You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Bonsoir et bienvenue à l'épisode numéro 102 de Horreur Gamer. Mon nom est Jean-François Tremblay et en ma compagnie, j'ai mes deux acolytes, Sébastien Bouchard. Salut Sébastien, comment ça va? Salut! T'as-tu vu, j'ai même pas de cerne en dessous des yeux. Wow! Avec un petit bébé de trois semaines, c'est hot. Ouais, trois semaines et demie, la petite Léonie qui est là, puis elle fait dodo, puis ça se passe bien. Fait que je me suis dit, je passe faire un tour, mais le monde se dit, OK, pourquoi c'est pas Sébastien qui anime? Parce que ça se pourrait que je chaque mon camp d'une minute à l'autre. Donc, je veux pas prendre le contrôle pour pas que ça vous nuise après ça. Puis, j'ai mal fait de ma présentation. Tout à l'heure, j'ai dit, voici mes deux acolytes, Sébastien Bouchard. Fait que c'est toi mes deux acolytes. T'es en vous. Salut! Écoute, j'en veux deux. Je suis papa de deux enfants. Fait que faut que je me double. Non, mon deuxième acolyte, c'est Steven Lefrançois. Salut, Steven! You better run, boy! Run for your life! Pas le bon film. Non, mais ça, c'est comme ma tradition de Noël. C'est à vrai. Chaque épisode de Noël, il va falloir que je le fasse. Là. Ouais. Ceux qui ne comprennent pas, écoutez notre épisode de Noël de l'année passée. Yeah. Fait que ça va tout le monde? Yes! Yes! Là, vous vous demandez... Épisode de Noël. Peut-être pourquoi Vicky n'est pas là. Ben, Vicky m'a écrit en privé et elle a dit « Fuck Noël, ça ne me tente pas de faire un épisode de Noël. » À peu près dans ces mots-là. Ouais, pas mal. Fait que... Comment détruire la magie de Noël? Elle, faudrait qu'elle ait la visite de trois fantômes pour lui faire réaliser à quel point ben c'est on, hot. On est là. Oui. On est trois fantômes. C'est bon. Ouais. Faut juste décider qui fait le futur, passé, présent. Mais on va aller visiter la capsule. Là, puis... Fait que ce soir, c'est ça. On parle de film de Noël. On parle d'une nouveauté puis d'un vieux film oublié. On parle de Better Watch Out, qui est sorti cette année. Et on parle aussi du film français 3615, Code Père Noël, 1989. Tout le monde connaît ça. Oui, tout le monde connaît ça. fait que c'est ça, en gros. Y a-tu des choses qu'on aurait à annoncer avant? Un concours? Ben, écoute, c'est l'année passée des choses dernièrement. Là, vous l'allez savoir par la page Facebook, on avait eu un concours... de la part de je veux juste pas me tromper. Paramount Picture. Paramount, merci Steven. Je vais pas nommer le mauvais. Paramount Picture qui nous ont donné une super belle copie du film Mother, combo DVD, Blu-ray, digital. Donc excellent, je suis en même temps des fêtes. Tu veux? Je veux! Tu veux pas participer. Donc c'est ça, on a fait un petit concours sur Facebook. Ça se finissait là. Donc, trop tard, vous écoutez l'épisode, mais je vous annonce quand même que le gagnant est Martin Bruyère. Félicitations, Martin. Merci encore d'avoir participé en très, très grand nombre. Plus surveillez notre page parce que, honnêtement, des concours, on va en avoir beaucoup plus. On va avoir beaucoup plus de critiques de films parce que on a eu des gros développements côté partenariat avec des studios, dont entre autres Fox. Là, on a Paramount. J'ai Entract Film qui m'ont confirmé qu'on aurait des films d'horreur avec eux. Si je ne me trompe pas, Entract Film, c'est ceux qui ont sorti Good Time, si je ne me trompe pas. J'essaie de vous le trouver rapidement, là, mais c'est ça. Je les avais contactés à cause de ça. Donc on a encore nos bons vieux partenariats avec Métropole, puis les films Séville. Donc ça va être... c'est vraiment trippant, là. On a beaucoup, beaucoup de beaux partenariats. Question. Vu qu'on a un partenariat avec Fox, est-ce que là, on va avoir une porte d'entrée vers Disney? Là, puis... Écoute, je sais pas. Hein? ça serait quand même ça cool. Ça nous appartient en partie là, maintenant. Oui. Mais non, c'est ça. J'ai bien hâte de voir où ce que tout ça va mener. Puis j'en ai d'autres qui sont en stand-by aussi. Fait que non, c'est solide. Puis on communique avec certaines personnes pour qu'ils deviennent des critiques pour nous autres, parce qu'on fournira pas. Pour être honnête, là, on fournira pas. Ben, avec tout, c'est... Ouais, non, c'est ça. Les nouveaux associés-là, non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis, si jamais vous écoutez l'épisode, vous êtes quand même moi, là, j'aimerais ça écrire des critiques de films. Pourquoi pas nous envoyer un petit quelque chose, là? On lancera pas un appel à Horror Gamer Recruit, là, mais... Soyez pas gênés, si vous avez le goût d'essayer de rentrer dans l'équipe, go, envoyez-nous une critique d'un film, puis on verra de quoi que ça aura l'air, puis qui sait, peut-être que vous serez régulier sur la page et vous aurez le droit à ces nouveautés en partenariat avec les studios. Ça serait très cool! Ouais! Fait que là-dessus, on va être prêt à passer. Là-dessus, ben... Hey, je voulais juste dire, là, bon, là, ça a l'air que j'étais tout seul à vouloir faire ça, là, ah oui, non, c'est table vrai, ronde excuse. De ce que vous avez écouté d'horreur, là. Mais je voulais vraiment le dire, là, je sais pas si je vais être tout seul à dire qu'est-ce que j'ai écouté, ça, parce que, bon, j'étais en congé de paternité, fait que j'ai eu le temps d'écouter quelques films quand même. J'ai écouté, finalement, It Comes at Night. Mm-hmm. Cool. Je savais que ce serait un slow burner, je savais que ce serait pas ce que les pubs ont dit que ça allait être, là, genre un film de monstre la nuit. ce qui vient la nuit est complètement autre chose. Mais sérieux, et que ça m'a donné une claque, ce film-là. Ça m'a crissement donné une claque. Quel bon film. Je veux plus jamais le revoir, mais quel bon film. Ça m'a vraiment shaké, là. Je broyais comme un bébé à la fin. J'avais ma petite dans les bras qui dormait. Puis je broyais comme un bébé. Puis j'avais le goût d'aller chercher mon petit gars. Puis, non, c'est vraiment solide. Disponible sur Netflix depuis peu. Là. Rapidement, l'histoire, c'est... il y a l'air d'avoir une épidémie d'une maladie quelconque. On ne sait pas c'est quoi. Et on s'en calisse. C'est quoi la maladie? Arrêtez d'écrire sur les astis de chat. Ouais, ce serait bon, là, mais on ne savait pas c'était quoi la maladie. Fait que fuck off. On s'en tabarnak. Même si je te donne le nom de la maladie. Ouais, imagination, s'il vous plaît. Même si je te donne le nom de la maladie, là, ça ne va absolument rien changer au scénario. Des fois, le monde focus sur des niaiseries. Il y a une maladie. Un père, sa femme, puis son fils de 17 ans sont dans une maison loin dans le bois. Puis... sont enfermés là, ils font leur vie, ils survivent, puis tout à coup il y a un homme qui rentre pendant la nuit parce qu'il pensait que la maison était vide, puis il leur annonce qu'il cherche de la nourriture puis une place pour rester pour sa famille à lui aussi, puis ben ils vont décider d'accueillir cette nouvelle famille là et ben écoute, paranoïa et c'est ça, manque de confiance et tout ça, et qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Excessivement réaliste, on réussit rapidement à se mettre à la place d'autant les... C'est sûr que c'est vu du point de vue des deux pères, les mères sont très très secondaires dans les films, c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui vont peut-être décrocher, moi ça m'a absolument accroché rapidement, mais c'est ça, ça a été facile pour moi de me mettre dans la peau des deux pères et de me questionner sur ce que je ferais dans ces situations-là, et ça a été très très efficace. Toi Steven, je pense que tu l'avais vu. Ouais, c'est... pas mal du même avis, c'est pas mal un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu cette année. Mmh. C'est un film vraiment concentré sur la paranoïa et sur le questionnement de qu'est-ce que tu écoutes dans les dialogues des personnages à douter, à savoir est-ce que c'est vrai, ou des fois il y a un mot qui va rentrer dans la conversation, puis tu vas être comme c'est pas ça qu'il a dit tantôt, puis ça va commencer à te faire douter. Fait que comme le personnage du film, tu commences à avoir moins confiance. Mais pour rien, tu sais. Ouais, les doutes s'installent, puis à un moment donné, ça vient juste confus, puis l'atmosphère est vraiment lourde. Oui, c'est un slow burner, mais ça vaut le coup, parce que rendu à la fin, t'es tellement incrusté dans l'histoire, puis avec les personnages qu'elle vient te frapper à coups de fouet, là. Fait que, ouais. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver que dans le milieu, il y a comme un petit accalmie, puis bon, ils chercheraient l'action ou le thrill, mais non. Ça, il n'y en a pas, puis c'est correct. Le film va pas dans l'excès. Il va jamais dans l'excès. Ce qui fait que tu y crois du début jusqu'à la fin. Puis sinon, ben j'ai écouté c'est pas de l'horreur, là, mais je vais absolument suggérer à tout le monde, j'ai écouté le documentaire Jim and Andy, qui est sur Netflix. Oui, il m'intéressait ça là. Documentaire sur Jim Carrey lorsqu'il a décidé de jouer dans le film Man on the Moon, qui interprétait le rôle d'Andy Kaufman. Puis qui a décidé qu'il allait devenir Andy Kaufman le temps du tournage. on pourrait penser que c'est juste un film puis un documentaire, parce que dans le fond, il y a eu un documentaire qui a été tourné là-dessus à l'époque, mais les bambines n'ont jamais été montrées. Puis là, ils ont décidé de faire finalement un documentaire. Puis c'est Jim Carrey qui raconte maintenant, avec le recul, comment il se sentait à l'époque. Fait que je pense que ça c'est encore plus intéressant. Parce que si ça avait juste sorti à l'époque, on n'aurait pas compris ce que Jim Carrey pensait. Puis je pense que là, le fait qu'il y a du recul là-dessus, puis qu'il parle de ce qu'il a vécu, c'est beaucoup plus intéressant. Puis c'est plus que juste un film sur jusqu'où ce qu'un acteur peut aller pour interpréter un personnage. Il y a énormément de substance dans ce documentaire-là. Ça te fait réfléchir sur un paquet d'affaires. Puis j'avais le moton puis les larmes à la fin. C'est vraiment beau, c'est vraiment bon. Ça m'a juste fait aimer Jim Carrey encore plus, même s'il y a certaines personnes qui l'ont trouvé un peu trop de cul pendant le tournage. Parce que c'est vraiment un troll épouvantable. mais il y a vraiment des scènes assez incroyables. Là. Il relate des scènes où il parlait avec Milos Forman, puis tu fais « Wow, j'aurais voulu être là pour entendre ça. » Ça devait être assez débile. Mais c'est ça, allez écouter ça. C'est pas de l'horreur, là, mais c'est trippant. Cool. C'est tout. Vous autres, moi, c'est pas de l'horreur, mais il y a un mois ou deux, j'ai vu des critiques sortir d'un film qui est considéré comme un des pires films de 2017. Ça s'appelait Pottersville. Puis j'ai vu plusieurs critiques de différentes publications qui en parlaient. Puis c'était avec Michael Shannon, puis Judy Greer, parce que toutes sortes de monde, Ron Perlman. Puis j'étais comme... c'est un film de Noël, tu sais. Puis les textes qui en parlaient étaient tellement drôles, puis tellement baveux. J'étais comme, faut absolument que je voie ce film-là. Puis il était sur Google Play pendant un long... tu sais, il était encore là, mais pendant un long bout, je me disais, je vais le louer maintenant, je vais le louer à l'approche de Noël. Puis dans les derniers jours, je pense qu'il est arrivé sur Netflix. Je me suis rendu compte, en tout cas, dans les deux, trois derniers jours qu'il était sur Netflix. J'ai fait, OK, c'est clair qu'en fin de semaine, je l'écoute. Là. Fait qu'hier, hier soir, j'ai écouté Die Hard 2, mais juste avant, on a écouté Pottersville, moi et ma blonde, parce qu'on voulait absolument rire de cette marde-là. Puis tout le long du film, t'es là, la gueule à terre. Tu dis, mais qu'est-ce que ces acteurs-là de talent font là-dedans? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Puis Michael Shannon, il est producteur exécutif de ce film-là. Mais c'est le Michael Shannon à l'eau de rose, tu sais, complètement le contraire de tout ce qu'on connaît de lui d'habitude, tu sais. C'est, tu fais, my God, ça se passe dans une petite ville, tu sais, Pottersville, où ce que lui, il travaille au magasin général, puis il découvre que sa blonde, qui est jouée par Christina Hendricks, le trompe, mais comme dans un club de gens qui se déguisent en animal à fourrure, tu sais, puis qui se frottent les uns furries. Aux autres, les furries, tu sais. Fait que là, lui, pour sa revanche un peu, ben, le soir qu'il apprend ça, il se saoule, puis il décide de se déguiser en singe, tu sais, en gros gorille. Puis il se promène dans la ville déguisé en gros gorille, ben, sous. Puis là, tout le monde dans la ville pense qu'ils ont vu Bigfoot. Fait que le lendemain matin, c'est la folie furieuse dans la petite ville, ils pensent qu'ils ont vu Bigfoot. Puis là, ben, ça attire les médias, ça attire tout le monde, ça attire un gars qui est animateur de télévision australien, un peu comme Steve Irwin, mais tu sais, en phony, là, vraiment. Cave le gars, là, tu sais, puis il arrive, puis il fait son émission là-dessus, puis ils vont à la chasse au Bigfoot, puis tout, puis ils veulent le capturer, puis. Ah, c'est fou, comme. Puis c'est un film de Noël, tout ça en plus, là. Bigfoot et Noël, okay. Michael Shannon, en héros romantique, quasiment, tu sais, puis Ron Perlman, puis toute la gang, tu fais. Waouh! Le générique qui arrive à la fin, tu fais. Mais qu'est-ce que je viens de voir là? Mais c'est drôle. Wow. Tu me donnes envie de l'écouter. J'ai mis trois étoiles. J'ai mis trois étoiles sur Letterboxd juste parce qu'il m'a fait rire le film. Il valait ses trois étoiles. C'est généreux, ça. Oui. Mais... il est quand même 5.1 sur IMDb. Fait que j'ai l'impression qu'il y a du monde qui ont fait comme toi et qui ont donné une grosse cote juste pour dire ah, c'est ouais, c'est ça. On rit. So bad it's good. Oh, oui. Ah, good. Ouais, c'est ça. Puis Simon, toi, tu es dans le secret des dieux pour certaines choses. Ouais, Star Wars. Okay. Mais bon. Écoute, si je dois en mentionner au moins un dans tout ce que j'ai vu qui vaut la peine, c'est Your Name. C'est pas horrifique, c'est un film d'animation japonais, plus gros succès au Japon qui a pété le box-office. Et qui n'est pas d'un studio Ghibli, je pense. Non, exactement. Je pense que c'est pas mal le digne successeur. Après le popularisateur du studio Ghibli. Puis rapidement, sans vouloir trop dévoiler, parce que le film mixe les genres, moi si je révèle certains genres, ça va juste spoiler, mais ça part de l'histoire de base où tu suis un garçon et une fille de deux endroits différents qui vont se réveiller un matin, puis ils vont avoir changé de corps, un et l'autre. Freaky Friday? Freaky Friday. Puis tu sais, c'est ça. Tu sais, je commence. Moi, je me suis pas trop renseigné. Je savais juste que le film avait fait un buzz. Puis j'écoute ça, puis je suis comme, en quoi le film peut être aussi original ou aussi bon avec une prémisse que j'ai vue comme un million de fois des comédies boboches, tu sais? C'est exactement la réaction que j'ai eue quand j'ai lu le scénario. Et ben, pas le scénario, mais le synopsis. Je te dirais, tu n'auras pas ta réponse dans les 20 premières minutes. Tu sais, les 20 premières minutes, t'es comme, okay, c'est une chouette comédie, mais au fur et à mesure que ça l'avance, plus ça l'intègre d'autres styles et plus ça va très loin. Et finalement, t'es comme, ok, non, c'est vraiment pas Freaky Friday. C'est un film qui va te faire rire, brailler, qui... C'est vraiment dur d'en parler sans rien dévoiler, mais que si vous n'êtes pas amateur de films d'animation, je dirais, laissez-vous pas... Arrêtez-vous pas à ça. Alors, voyez pareil le film, parce que de toute façon, I guess qu'il va avoir un jour une adaptation live, là, je suis pratiquement sûr et certain. Mais c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu cette année qui m'a vraiment fait brailler, pratiquement. Nice! Je suis en train de me salir avec ma boue de bière. Là. non, c'est beau. Je vais en parler deux secondes, vite. J'ai fini La Tour Sombre le mois dernier, il y a quelques semaines. Il fallait que tu nous en parles, là, s'il te plaît. Je suis 13 ans en retard. Ça a fini en 2004. Ça a été publié en 2004. Mais non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé les 7 livres. J'ai mes préférés. Je dirais le 2, le 4, puis le 7, mes préférés. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé la saga. Puis je regrette de ne pas l'avoir lu avant. Mais je suis content aussi d'avoir lu en tant qu'adulte. Parce qu'il y a des trucs là-dedans que je me dis que Stephen King écrit sur sa paternité. Puis sur le fait aussi que son père lui a manqué, parce que si on connaît un peu son histoire, son père est parti genre quand il avait 3 ans, puis il est allé chercher des cigarettes au dépanneur, puis il n'est jamais revenu, puis il n'a pas connu son père, dans le cliché. Fond. Oui. Puis, fait que c'est ça, il écrit un peu là-dessus, tu penses, tu trouves, en lisant ça, tu fais, ouais, je pense qu'il écrit un peu sur ses sentiments de père. Puis, mais c'est ça, c'est de la bonne fantasy... Je sais pas, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très, très émotif à la fin. Là, le 7e livre, il brise le cœur à plusieurs moments. Il y a des moments où tu fais « Ah, fuck! » Il y a des personnages que t'aimes depuis le début qui nous arrivent des affaires. Tu fais « Ah non, calice! » Puis c'est ça. C'est une très bonne saga à lire, je trouve. Ça vaut la peine. Cool. Là, je suis dans d'autres choses. Je suis dans une affaire qui s'appelle « Le nom du vent ». C'est Patrick Broadfoot. C'est de la fantasy aussi. Je suis pas trop mon genre d'habitude de la fantasy. Mais c'est parce que... L'année prochaine, ça va être adapté à la télé, ça. Puis c'est le gars qui a écrit la comédie musicale Hamilton, Lin-Manuel Miranda, qui adapte ça. Puis c'est une trilogie. C'est les chroniques du tueur de roi. Puis c'est ça. C'est l'histoire d'un personnage principal. Ton personnage principal, tu le lis... tu sais, je vais démêler ce que je veux dire. Au début du livre, il commence à raconter son histoire de vie. Fait que tu suis sa vie de son enfance, de je suis rendu jusqu'à l'université. Mais c'est super intéressant. Là, ça se passe dans un genre de monde... quasiment médiéval, tout le monde voyage à cheval, des trucs comme ça, puis... Mais tu sais, c'est pas Game of Thrones non plus, il y a pas de dragon puis tout, c'est plus... il va à l'université pour apprendre la magie, c'est plus dans le côté pratique, tu sais, on est... Puis c'est très humain, puis c'est très... très terre-à-terre, là. Fait que pour l'instant, j'aime vraiment ça, puis c'est super bien écrit. En tout cas, on verra... J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire de ça avec ça à la télé, là. Fait que je pense qu'on peut passer à nos opinions sur les deux films. Oui. Oui, bon. Je voulais une petite demande spéciale. Si on laissait faire pour l'épisode de Noël, la petite dame qui crie, puis on avait un Yippie-Kaye, pauvre con. Ben oui. Bon, ben, John, vas-y. Yippie-Kaye, pauvre con. Alors, on y va avec notre opinion sur le film 3615, Code Père Noël. Film très, très connu du temps de Noël. En France, oui, là. Oui, en France, oui. C'est un film culte, d'après ce que j'ai cru voir. Mais quand même du monde, quand j'ai dit que j'allais écouter ça sur Facebook, ils m'ont fait « Ah ouais, ça, ce film-là, j'étais comme « Rien, donc, c'est OK. » Oui, ça m'a surpris aussi. J'ai vu ton pause, puis ça m'a surpris aussi. Ici, au Québec, on a connu Francis Lalanne à cause des albums de Pérusse, là, des albums français, des volumes français d'albums du peuple. Francis Lalanne est producteur exécutif de ce film-là. Puis c'est une grosse histoire de famille parce que c'est son frère Jean-Félix qui fait la musique, mais c'est son autre frère aussi qui réalise. Il s'appelle René Manzar, c'est son nom d'artiste, mais c'est le frère de Francis Lalanne. Puis l'acteur principal qui joue le petit garçon, qui joue Thomas, c'est Alain Lalanne, c'est le fils du réalisateur, c'est le fils de René. Fait que tout ça, c'est tout. Okay. C'est un film de Lalanne. Fait que. La Lalanne? La Lalanne? 3615, Code Père Noël. c'est l'histoire du petit Thomas, qui est un petit enfant riche. Sa mère travaille dans un grand magasin, elle s'occupe pas beaucoup de lui durant le jour, tout ça. Il vit avec son grand-père. Puis c'est un tripeux de technologie. Il y a plein de pièges dans sa maison. C'est un gros manoir débile avec plein de pièces. Là, qui t'arrives pas vraiment à te faire une idée du nombre de pièces qu'il y a là-dedans. Puis il y a plein de pièges, toutes sortes d'affaires. Puis avec son chien, il s'amuse à jouer à la guerre, tout ça. Puis son rêve, c'est de voir le Père Noël. C'est de pouvoir le capter sur vidéo. Puis Noël approche, bien sûr. On est dans le temps des fêtes. Et il se dit, bon, ben à soir, le Père Noël, quand il va passer, je vais le capter. En parallèle de ça, au début du film, on a un gars vraiment bizarre, weirdo, qui se fait engager comme Père Noël dans le magasin de la mère du petit Thomas, qui se fait mettre à la porte parce qu'il est vraiment creepy, puis qui décide de se venger en allant à la demeure de cette femme-là. Puis c'est là que les choses tournent mal, parce que la visite du Père Noël que le petit Thomas attendait tellement ne tournera pas de la manière qu'il s'imaginait. Vraiment pas. Non. Fait que, opinion générale, on commence... Oui. Qui ben, veut... toi, c'est oui. Toi qui... Parfait. Ben, je vais faire tout de suite en partant, mais j'ai vraiment... Dans ce film-là, moi, OK, je m'attendais à quelque chose... En startant, je m'attendais à quelque chose de poche. Je m'attendais à rire tout le long. J'ai dit à ma blonde... Je pense que j'ai vu l'affiche de ce film-là sur Nanarland ou quelque chose comme ça. Fait que je dis, je pense qu'on devrait rire, tu sais. Fait qu'on s'installe tous les deux. Puis moi, j'ai été sur le bout de mon siège tout le long parce que je suis vraiment embarqué à fond dans ce film-là. Puis on s'en regardait tout le temps. J'étais comme, c'est vraiment creepy. Le Père Noël, il est vraiment creepy dans ce film-là. Puis ma blonde, elle disait, tu sais, elle m'a amené à sortir la phrase, genre, c'est ni bon ni mauvais, mais c'est creepy en esti comme film. Et moi j'étais plus une coche plus haut, j'étais comme, j'aime vraiment ça, j'embarque à fond, moi j'aime ça, je trouve ça bon, tu sais. Puis j'ai fini le film, puis j'étais comme, waouh, ça va devenir un de mes nouveaux classiques du temps des fêtes pour moi, là. Moi j'ai vraiment trippé. On s'entend, là, la version qu'on a vue est sur YouTube, le film est sorti en VHS en 89, il n'est jamais sorti en DVD, on l'a sur YouTube en ce moment. Mais cette année, ils ont sorti un Blu-ray en France. Fait que il vient juste de sortir. Fait que c'est ça, la copie est vraiment pas belle. Mais j'ai embarqué à fond dans le film, peu importe la qualité de l'image. J'ai adoré, moi, les deux gros points forts du film pour moi, c'était les deux acteurs principaux. Je parle pas du grand-père, mais je parle du petit garçon et du Père Noël. Le petit garçon, j'y crois à fond qu'il a peur. Il y a une scène à un moment donné dans le film où ce qui est sur le toit. Puis il pleure, puis il crie pour sa mère. Puis j'étais comme, c'est ça qui manque à un Home Alone ou à d'autres films du genre. Une scène comme ça du petit garçon qui crie « Maman, maman, maman », qui a peur, là, qui chie dans ses culottes parce que, tu sais, il y a le Père Noël, il est vraiment creepy, c'est le seul mot que j'ai. Puis le Père Noël, il est... Père Noël, tu sais, l'acteur qui joue Trivion même, là, c'est un gars qui s'appelle... Patrick Floerchem, je nomme mal peut-être son nom, c'est la voix française de Michael Douglas et de Robin Williams dans les films quand on écoutait les films des années 80. je sais pas comment le réalisateur l'a abordé en lui disant, tu sais, on voudrait t'avoir parce que ta face est vraiment creepy au naturel, là, tu sais. Parce que juste au début du film, il joue avec des jeunes, il se tire des balles de neige, puis tout. Puis il y a pas de maquillage, rien, il est pas habillé en Père Noël, il est juste lui tout seul, puis tu fais, non, moi je jouerais pas avec lui, n'importe quoi. Puis la première scène où ce qui est en Père Noël, il est engagé en Père Noël, la seule scène en fait où il est engagé en Père Noël au magasin, la fille qui fait avec la petite fille, là, c'est. Je fais, ah, c'est calice, moi il mangerait une un coup de poing dans la face si j'étais le parent qui était pas loin de ça, là. C'est comme, ah non, toi, non, je te coupe les couilles pis tout, pis, mais tout le long, ça rempire tout le long du film, pis son maquillage, là, moi, je lève mon chapeau à la personne qui le maquillait pis tout, pis qui, à chaque fois, tu sais, il rempire, c'est une structure typique de slasher, dans le sens où le gars, il est pas tuable, pis il revient tout le temps plus magané qu'avant, pis, mais je l'adore, ce Père Noël-là, pis c'est pas mal mon personnage, c'est mon Père Noël le plus creepy que j'ai vu au cinéma, dans tous les films que j'ai vus, moi, personnellement. Là. C'est peut-être pas le plus creepy de toute l'histoire, mais moi, de ce que j'ai vu, c'est le plus creepy. Puis, ben, c'est ça. Il y a plein de petites incohérences dans le film, des trucs qui sont pas expliqués. Je pense, entre autres, tu sais, le Père Noël, à un moment donné, il reçoit des dards de chaque bord du cou. On le voit jamais les enlever ou quoi que ce soit. Puis j'étais là. J'ai jamais essayé, mais il me semble que des dards qui te rentrent dans le cou, ça doit faire mal. Puis quand tu les enlèves, tu sais, il y a dans Shaun of the Dead, Sean, il reçoit un dard dans la tête. Puis il se passe la même chose un peu. Il fait juste d'enlever, puis un petit peu de sang qui coule. Puis je suis comme, OK, pas plus que ça, là. Il réagit pas plus. Il y a un dard dans la tête, en tout cas. C'est moins épique que tu penses, un dard. J'ai déjà reçu un dard dans une cuisse, puis ça fait pas tant de dommages. Ça fait juste mal. OK, ben je pensais, vu que c'est quand même assez... C'est quand même assez large, tu sais, je me dis, en tout cas... Puis il y a une autre affaire aussi avec la petite grenade. Je dirais pas tout à fait ce qui se passe, mais tu sais, la scène avec la grenade dans le train, dans le petit train, je la trouve super le suspense, mais j'ai embarqué à fond dans cette scène-là. Puis il y a comme un double suspense parce qu'elle va dans un sens puis elle va dans l'autre. Mais la finale de cette scène-là, il n'y a comme pas de résolution vraiment parce que tu comprends pas pourquoi ce qui devait arriver n'est pas arrivé, tu sais, puis avec la grenade. Puis il n'y a pas vraiment d'explication à ça, puis il passe à d'autres choses après ça. Mais en gros, non, j'ai vraiment beaucoup embarqué. Puis j'aime la réalisation aussi. Je vais finir avec ça. J'aime la réalisation très à l'américaine, très Sam Raimi, des fois Carpenter. Alors, je pense à Carpenter, puis je vois le char de face dans le garage qui allume les phares, puis tout, ça me faisait penser un peu à Christine. Ouais. Puis je repense à cette scène-là du char qui se fait attaquer par le Père Noël. Puis c'est la première fois vraiment qu'il fait une grosse attaque sur le petit. Puis le... Mm-hmm. Ben non, je pense au chien aussi. Il a fait une attaque avant, mais... Donc, c'est la deuxième fois sur le char. C'est solide, cette attaque-là. Ouais, c'est ça. L'attaque du char est vraiment spéciale. En tout cas, toutes ces attaques sont marquantes, je trouve, pour moi, en tout cas, personnellement. Fait que je vais m'arrêter là-dessus. Je vais vous écouter parler. Je suis curieux depuis une semaine ou deux de savoir qu'est-ce que. Je suis juste le seul à triper là-dessus. Là. Fait que c'est ça. N'importe qui des deux qui voudrait en parler. Là. Ben, c'est toi qui décides, t'es l'animateur. Toi, vas-y, Steven. OK. Ben écoute, moi j'aime beaucoup le cinéma de genre français, surtout ces années-là, fin 80, début 90, il y a eu une vague, je sais pas s'il y en a qui vont se rappeler, mais il y avait eu Baxter de 89 de Jérôme Boivin, c'est pas forcément le film le plus connu, mais il y a l'excellent Baby Blood de 1990 d'Alain Robach, qui est un de mes films favoris, puis tu sais, 36-15 est sorti un peu dans ces années-là, mais c'est le film de genre français a comme pas vraiment marché à cette époque-là. Ça se plantait parce que c'est des films qui osaient sortir un peu du moule. Puis on dirait que le public français était pas prêt à ça. Puis 36-15, ça a été tellement un échec que le film n'a jamais sorti en DVD là-bas en France. Puis ici, aux États-Unis puis au Canada, je pense qu'on n'a jamais vu un DVD ou quoi que ce soit. Peut-être une VHS, mais c'est un film vraiment difficile à trouver. Puis j'ai toujours voulu le voir, mais j'ai jamais eu la chance, puis je l'ai pas téléchargé, tu sais. Fait que quand Jean-François l'a proposé, j'étais très content puis très motivé à le voir. Puis moi, ça m'a fait penser à un mélange de Silent Night, Deadly Night et Home Alone, mais sous l'acide. C'est très Ouais, très Home Alone. Il a été fait après, c'est ça. Puis il y a des gens qui disent que John Hughes, Chris Columbus, je ne sais plus trop lequel, l'aurait vu avant d'avoir fait l'autre. Fait qu'il y a peut-être une influence. Ça se pouvait. Écoute, sincèrement, c'est de la bombe. Okay. J'ai vraiment trippé solide. Je trouve vraiment que c'est de la bombe, malgré deux, trois petits défauts. Je pense que je vais tout te dire les défauts qui sont minimes à mes yeux. Oui, il y a certaines incohérences dans le scénario, mais ça, je peux le passer par-dessus pour la simple raison que j'ai l'impression de voir un conte de fées, un genre de conte pour enfants. Fait qu'il y a un aspect comme surréaliste dans ce film-là qui me dérange pas du tout. Puis, vas-y. Pas... Tu dis, j'avais l'impression d'écouter un conte pour tous qui se prenait au sérieux. Ouais. On dirait un conte pour tous qui a été basculé dans un film d'horreur par accident. Ouais, parce que dans un conte pour tous... Tu sais, ça allait la petite fibre de conte pour tous. T'as raison. Puis conte pour tous, tu verras pas nécessairement le Père Noël se lâcher le mollet du flot. Là-dedans, tu le vois, puis tu fais... OK, là, tu coches au-dessus un peu, puis c'est... Ouais, c'est ça. Tu fais, OK, le flot, vraiment magané, là, à un moment donné, là. Écoute, ça a plus de sens. Puis, moi, son... plus gros défaut qu'on peut en reprocher, mais ça, c'est comme souvent des films de cette époque-là, c'est que l'aspect technologique qui est très présent, un genre de pré-internet aussi, que moi, j'ai pas connu ça, ce film-là, mais Minitel. C'est le titre. Ouais, c'est je connaissais ça. Très populaire en France. Ouais. Fait que, tu sais, tu réécoutes ça aujourd'hui, ça vieillit mal. Tout ce qui est technologie, ça vieillit tout le temps mal. Ça me fait repenser à Wargame. C'est vraiment des films qui vieillent mal à cause de ça, mais ça me dérange pas dans ce film-là. C'est pas plus grave, je passe par-dessus. Parce que tout le reste est tellement bon. On dirait que le réalisateur a pigé dans ce qui était populaire dans ces années-là. film de slasher, film d'action même. Il va piger dans les films de Stallone, genre de clin d'œil à Rambo, ces choses-là. Avec une musique qui parodie Rocky à la place, tu sais. Vraiment, ça sonne vraiment même, Eye of the Tiger au début. Là. Vraiment. Eye of the Tiger, où tu as même une scène montage avec la musique années 80, puis il prépare, c'est malade. La musique de Jean-Félix Lalanne a fait pitié un peu dans le film. Je trouve qu'elle a fait dur. Là. C'est pas super, tu sais. Mais c'est parce qu'elle manque d'originalité. Là. Tu sais, tu l'écoutes, c'est tu fais comment, mon Dieu, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu. Il faut aimer ça, mais c'est pas du bon synthétiseur nécessairement. Tu sais. Mais vas-y, c'est correct. Mais c'est ça. Mais le réalisateur, il a comme saupoudré son film d'un aspect indescriptible, quelque chose qu'on retrouve seulement dans le cinéma français. Tu sais, ça fait un peu ça avec Baby Blood, puis même les films du réalisateur du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Quand tu écoutes ses films, sa mise en scène, son visuel, ça sort complètement d'ailleurs. Tu vois pas ça en Amérique ou dans le cinéma d'ailleurs. Puis je trouve que ce film-là, c'est un peu ça. T'as un côté bleuté, très bleu partout dans chaque scène qui est toujours présent. Puis tu vois que le réalisateur, c'est important pour lui. Il faut que ça soit tout le temps là. Puis ça donne une atmosphère vraiment cool. Puis ce qui me fait chier, c'est qu'il a l'air d'avoir vraiment un beau travail visuel puis photographie, mais la VHS, c'est dégueulasse. Fait que tu sais, je veux voir un Blu-ray, puis celui-là, tu as mentionné, Jeff, je pense à un nouveau transfert 4K. Fait que ce film-là, le mérite. Je suis alors pas pour 2K. C'est 2K. Ouais, pour du 2K. Mais j'ai très hâte de le voir parce que je vais le recevoir cette semaine. Ah, je vais le commander aussi. Tu me redonneras des nouvelles, puis ça va me motiver à le commander. Ça dit déjà nos opinions sur le film. Là. Mais non, c'est ça. J'ai vraiment aimé ça, voir. Prendre un conte pour enfants de quoi qui est montré de manière magique, puis de le détruire. Tu fais écouter ça à un enfant, il va être traumatisé par le Père Noël à vie. C'est vraiment, je pense, le film qui va traumatiser les enfants du Père Noël. Et j'ai vraiment aimé le côté, comme je disais, surréaliste des scènes. T'sais, à un moment donné, il y a un moment où le jeune essaie de sauver, puis tu sais, oui, la maison, c'est labyrinthique, puis on dirait que ça sort d'une usine, c'est vraiment weird. Mais il y a une scène en particulier, que c'est des couleurs avec des tableaux. Puis c'est vraiment, à un moment donné, il ne sait même plus par où penser. Le labyrinthe, puis la caméra monte au-dessus, puis tu vois des visages dessinés sur le plancher. Puis comme je te dis, on dirait que c'est surréaliste. Là. Puis moi, ça me faisait triper. Il y a tout le temps des idées visuelles dans toutes les scènes. La grande pièce pleine de jouets, moi, je l'aime avec un pont, puis tout. Là. Oui, c'est creepy au bout. Pourquoi il n'y a personne qui sait qu'il y a ce grand espace-là? Non, mais tu sais, comment tu fais pour vivre dans une maison? Puis il dit, maman, c'est pas que ça existe. Mais comment tu fais pour pas savoir que cette petite grande pièce-là dans le milieu de ta maison, tu sais? Tu te demandes pas, Manu, qu'est-ce qu'il y a derrière les murs, tu sais? Ben, difficile à dire, elle est jamais là. Ouais, sa mère est tout le temps en train de travailler, elle est jamais vraiment présente. Puis ça, c'est un autre aspect que j'ai aimé, tu sais, en plus d'être un film vraiment cool, divertissant, énergique, j'aime les personnages. Parce qu'au début, il nous montre... Son grand-père, moi, je l'ai trouvé tellement attachant. Je l'aimais beaucoup. J'étais comme, je veux un grand-père comme ça dans ma vie, c'est sûr. Mais les scènes en vue subjective du grand-père, c'est hot. Oui, c'est hot. Puis j'ai vraiment... C'est que j'ai vraiment aimé qu'on nous présente un personnage enfant de riche, tu sais, qui a tout, qui est gâté pourri, mais c'est pas un petit trou de cul, je trouve. Le jeune, il est vraiment le fun, attachant. J'ai aimé ça, le suivre. Puis comme on disait, la relation avec son grand-père, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que les scènes de suspense avec le Père Noël fonctionne autant, c'est que tu as vraiment peur pour le grand-père puis pour le jeune. Puis je pense que la scène qui va vraiment venir starter tout ça, c'est la scène du chien. Parce que les 30 premières minutes, tu sens pas trop à quel point le danger de ce personnage-là, le Père Noël. Puis quand la scène du chien arrive, ça m'a fait une claque. J'ai comme fait, OK, non, c'est vraiment un film d'horreur. Tassez-vous de là, on va pas rire comme dans Home Alone. Là. Puis tout le long du film, te lâche pas jusqu'à la dernière scène. Puis je vais laisser un peu de Seb, là, mais j'ai vraiment trippé. Ben là, écoutez, vous en avez tellement dit, puis tout est là, mais j'ai... Moi, j'ai... Puis c'est le défaut là, d'avoir un nouveau petit bébé. J'ai écouté ce film-là en 3 shots. La première fois, j'avais... Je pense qu'il aime pas ça. Mais je savais que t'avais la petite aussi, là, mais... Écoute, la première shot, là, j'ai écouté la première demi-heure. Tu sais, j'ai pas eu le temps de me rendre à la scène du chien. Là, j'étais mais qu'est-ce que j'étais en train d'écouter, là? J'étais comme... Non, je triperais pas. Tu sais, comme tu disais, Steven, tu réalises pas l'ampleur de la situation. T'es juste comme, OK, il y a un maniaque en Père Noël, puis il y a le petit gars qui est craqué film d'action, puis tout ce qui est fantastique, etc. Puis là, t'es l'histoire des parents qui t'es comme, hey, mais ça va-tu déboucher à quelque chose? Puis là, à un moment donné, bon, j'ai fini par faire, OK, il faut que je redonne une autre chance, là, on va faire l'épisode. Parce que moi, je pensais ne pas faire l'épisode, fait que je m'étais dit, garde. Pas grave, j'écouterai pas le film, puis c'est pas pire que ça. Mais là, quand j'ai su que j'allais faire l'épisode, go, Wow! Une chance que je l'ai fini. Je peux pas dire que j'ai trippé par à cause de ça un peu. Tu sais, je l'écoutais un peu décousu, puis j'étais jamais dans l'ambiance. Je pouvais pas garder le fil. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film avec un enfant aussi crédible, mais qui avait de l'air d'un enfant. L'enfant se prend au sérieux, là. Il veut être un Rambo, puis il veut être un John McClane, tu sais. Mais il veut être ça. Mais il est un enfant, tu sais. Fait que, il y a tout le temps ces réactions d'enfant, comme tu disais, quand il appelle sa mère. Ben, Manny est sur le toit, puis il parle à son grand-père, puis genre, non, je vais arranger ça, grand-papa, je vais arranger ça. Mais tu le coup, tu regardes, puis tu es comme, non, pour petit, non. Il rassure toujours son grand-père, tu sais, je suis correct, grand-papa, ouais. Là, j'ai la situation en main. Il parle, puis tu fais comme, non, clairement, dans ta voix, tu le sais que tu l'as pas la situation en main, puis t'as peur, mais tu veux tellement. Tu sais, quand tu pognes le genre de speaker avec tous les haut-parleurs dans la place, qui fait comme, je peux pas croire ce qui est en train de se passer. Moi, tout ce que je voulais, c'était de te voir. Puis là, tu vas payer. Ou je sais pas trop comment. Mais il fait un speech, haut-parleur. T'es comme, tabarnak! Il fait un speech, genre, tu es mon tabarnak! Puis ça me fait penser à la dernière phrase du film, qui est vraiment tragique. Le petit garçon, il est traumatisé à vie. Puis c'est la phrase qu'il dit. Il... PTSD, là. C'est comme, je voulais juste le voir. Non, mais... C'est fou, avec cette fin-là, là, il pourrait faire une suite, puis la suite, ça serait Silent Night, Deadly Night, lui qui va se déguiser en Père Noël, qui va massacrer. Là. C'est la meilleure prequel à Silent Night, Deadly Night, que les 15 premières minutes. Ça, c'est... Mais non, c'est ça, tu sais. C'est pas un Macaulay Culkin, là, tu sais, c'est pas un Kevin McAllister qui est comme gna gna gna gna gna. C'est ça la différence avec O'Malone, c'est que, puis il en parle dans Better Watch Out au début, puis on a vu souvent des articles passer là-dessus dans les dernières années, comment est-ce que les gars, tu sais, les articles qui décrivent comment les gars auraient dû mourir genre 50 fois dans O'Malone, ouais. T'as jamais de ce sérieux de 36-15, parce que... Il nous arrive 1 million d'affaires, puis dans le deuxième au melon, c'est parce qu'il y en a un qui se fait électrocuter, tu vois son squelette, ou c'est peut-être dans le premier aussi, je me souviens plus, mais... Dans le deuxième, ouais. C'est ça, tu sais, puis c'est comme... De toute façon, dans le deuxième, il mange 7 briques. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est des films pour enfants, fait que tu sais, c'est correct. Mais c'est ça, tu penses pas à ça, tu sais, quand t'écoutes ces films-là, t'es incrusté dans le mode où t'es là pour t'amuser, puis pas voir... Tu sais, s'il faudrait que ça soit réaliste, imagines-tu le gore, toi, dans le film à la fin, là. Vous écoutez mon épisode de Fun de regarder des films sur Home Alone 2, je fais le décompte du nombre de commotions cérébrales, puis de morts, puis ça fait ding-ding-ding-ding-ding-ding, ça arrête plus, là, c'est genre une vingtaine. C'est sûr que la qualité de l'image n'est pas belle dans 36-15, mais ils ont quand même évité les effusions de gore, je pense. Ils ont gardé côté assez réaliste au film. Il y a ça que je reproche à 36-15, c'est sa photographie. Moi, le truc bleu, ok, mais il y a des scènes qui sont mal éclairées, puis c'est pas toujours. Tu sens que c'est pas toujours voulu, que des fois c'est peut-être un manque de moyens. C'est dur à juger, mais il y a certaines scènes que j'ai pas aimé visuellement. Genre quoi? Il y a une qui ne mord pas par la tête. Puis c'est pas une scène importante, fait que c'est comme pas grave. Mais t'as le père qui est dans son bureau, qui parle au téléphone avec la mère. Puis il est éclairé par probablement un néon qui flash à travers la fenêtre. C'est comme ça flash d'un bord, ça flash de l'autre, ça flash d'un bord, ça flash de l'autre. Fait que tu vois sa face, tu la vois pas. Tu vois sa face, tu la vois pas. Mais tu sais, c'est comme, on dirait que c'est comme pas esthétique. C'est comme. T'as-tu voulu faire un effet ou c'est pas beau? Mais tu sais, puis tu sais, tout le temps, moi, quand je regarde un truc de même, le gars il est dans son bureau, puis si tu y vois pas la face, des fois ta voix, si tu y vois pas la face, ta voix, man, allume la lumière de ton bureau. Ça me gosse. Ça travaille mal par la comptabilité. Le gars qui est éclairé par sa petite lampe, là, son 5 watts là, qui éclaire un cercle gros comme un bang sur son bureau, là, puis il fait ses comptabilités, je sais pas trop quoi. Là. C'est comme. Come on, man, allume la lumière de ton bureau. Fait que, ça me gosse. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, regarde, c'est vraiment du nitpicking. C'est ça. Quand tu comprends que le film va être sérieux et que le film va aller où ce que tu t'attendais pas qu'il aille, tu fais comme, OK, shit, on est vraiment pogné pour une ride. Là. Puis, tu sais, je fais juste repenser à voir le petit gars boité avec la jambe en sang, puis il s'est fait un genre de garrot, je sais pas. Avec un gros morceau de bois, là. Avec un gros morceau de bois, puis t'es comme, tu sais, on dirait John McClane qui a marché sa bite, là, tu sais, là. C'est ce qui lance un film d'action. Puis tu sais que le film valait là, mais avec un enfant, puis t'es juste comme tabarnak! qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Mais c'est ça qui est cool. On dirait que entre les scènes de confrontation, l'enfant, il est tout le temps badass. Il fait son speech, il soigne sa blessure. Mais dès qu'il revient dans l'action, il pleure puis il a la chienne parce que c'est un enfant, justement. Fait qu'on sort jamais de ce mode-là jusqu'à la fin. Là. Ah non, c'est ça. T'sais, puis ça, comme tu disais à la fin, je veux juste le voir. Mais tu sais, sa face, c'était comme, oh mon Dieu, il est tellement détruit. Il a besoin. Une chance, c'est des riches ouais. parce qu'il va avoir besoin de psychologue. Oui, puis, c'est ça. Ben, il y a une chose, moi c'est un peu ce que je reproche des fois au film, puis ce film-là le fait, là, une maison que tu comprends absolument rien, là, tu fais juste comme tu disais, là, des ouais, ça, salles que tu ne comprends pas, tu comprends pas la géographie. Je ne voulais pas quelle salle, je comprends rien. Ah ok, il y avait une fenêtre là, il est sorti, ah, il s'est retrouvé sur le toit là, ah ok, regarde. Non, regarde, Mané, tu ne suis plus, puis ça me gossait un peu, parce que dans ce temps-là, j'ai l'impression que le réalisateur peut juste pitcher ce qu'il veut sans trop quand avoir même de logique. Tout le temps dans les mêmes affaires, fait que tu te retrouves dans ce qu'on a déjà vu, mais tu comprends pas je pourrais pas dessiner l'intérieur de la maison. Surtout que je regarde ça, puis je fais comme, mais qui c'est qu'il y a ça dans la maison? C'est quoi ouais. cette pièce-là de maison? Tu fais comme, vous avez-tu vraiment une maison? Ben, vous avez acheté un parc d'attractions à moitié défaite ou une usine à moitié défaite, vous allez déguiser. Ce bout-là va être notre maison, puis le reste, on s'en calisse. Je sais pas, il y a des bouts que je comprenais pas ce que j'ai regardé. Mais c'est ça, c'est le genre de film qu'il faut pas trop t'analyser, je pense, de façon aussi cohérente, parce que comme on dit, ça a un aspect tellement surréaliste que faut juste embarquer dans le côté conte de fées, ou ben, conte pour enfants, en fait, là. Fait que ouais. Moi, c'est un détail qui me dérangeait pas forcément, même si dans un autre contexte, j'aurais probablement comme fait « OK, what the fuck? » Puis l'idée que, plutôt que d'avoir un petit gars avec un fou, c'est un petit gars qui pense qu'il a affaire au Père Noël. Ça, j'aime ça. Ouais. Ça, j'aime ça. Et tout le long, c'est genre « je m'a le pogné le Père Noël, en tout cas. » Puis je pense que tu parlais du conte, du coup de l'aspect conte, Steven. Puis je pense qu'au début, ça me gossait un peu qu'on voyait le château, ben la maison, on voyait le toit, on voit bien que c'est une maquette. T'sais. Au début, ça me gossait un peu, mais je pense que ça rajoute au côté conte du film, je pense. Vraiment. Puis j'aime l'aspect que Noël, dans ce film-là, joue vraiment un gros rôle. On va en reparler tantôt dans Better Watch Out, mais dans ce film-là, c'est vraiment un film de Noël. C'est pas comme Die Hard ou Better Watch Out ou d'autres films. Ça se passe en hiver. Qui se passe en hiver à Noël, mais ça pourrait se passer à Pâques, puis ça serait même aussi d'affaires, tu sais. Que là, celui-là, c'est vraiment un film de Noël. Fait que si vous voulez un film de Noël d'horreur, ça en est un. Ça. Fait que ça, j'aime ça. Oui. Le petit Pilou, son meilleur ami que je déteste et qui est vraiment haïssable, j'étais vraiment stressé pour lui quand il vient à la maison avec son vélo. Pis hey, God! T'es comme tabarnak. Ok, je retire ce que j'ai dit, je crois au Père Noël, ciao! Ouais, non, il y a plein de petites scènes comme ça, la scène du policier. Ça arrête pas. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment un roller coaster, ce film-là. On enregistre dimanche. J'ai enregistré vendredi soir. J'ai écouté vendredi soir, puis c'était la deuxième fois que je l'écoutais. Puis je venais juste d'écouter Die Hard juste avant. Puis dans Die Hard, t'as le personnage de Al Powell qui vient patrouiller tout seul. Puis là, je vois le policier dans 3615 qui patrouille tout seul aussi. Je suis comme, les années 80, c'était-tu la norme que les policiers patrouillaient tout seul? Parce qu'il me semble, ça se ferait plus à cette heure, tu sais. Le policier qui arrive dans le manoir de 3615, il serait deux, là, puis il aurait pu se prendre à deux contre le Père Noël, tu sais. Ouais, mais en même temps, c'est juste la mère qui a téléphoné pour dire qu'elle avait son fils ne répondait pas. En tout cas, il doit y avoir quelque chose dans les règlements qui fait qu'Aster sont tout le temps. Il me semble que t'envoies jamais tout seul des policiers. Je dis ça de même, je sais pas. Je connais pas assez bien les règlements. C'est le genre de réflexion que tu as le temps en revoyant le film une deuxième fois. Mais je vais le réécouter avant Noël si j'ai mon Blu-ray bientôt. J'ai calculé un peu les frais des délais de livraison. Ouais, ça revient à combien? Non, mais je veux dire, j'ai calculé les délais de livraison, puis ça devrait arriver cette semaine. Mais ça revient. Mais ça te revient combien pour le fond? On va faire nos recommandations, puis je vous le dirai. OK, on va faire nos recommandations. OK. C'est quoi vos recommandations, vous autres, pour le film? Ben, moi, c'est un collector edition, solidement. comme toi, Jeff, moi, ça va devenir un classique de Noël que j'ai envie de revoir à chaque année, puis qui. Ça fait du bien d'enlever la poussière sur un classique entre guillemets, là, même s'il n'est pas très connu en dehors de la France, que vraiment je suis content d'avoir découvert. Là. Fait que non, je le recommande haut la main. Je recommande de l'écouter. J'ai vu le prix du Blu-ray en euros, plus le shipping. Écoutez, payez pas 55$ canadien, genre, pour un film que vous n'avez pas vu. T'as payé ça, Jeff? 45. 45, bon, 45$. Mais 30 quelques pour le film, puis ouais. Écoute, je vais commencer à envoyer des demandes d'harcèlement à Short Factory puis à Arrow pour qu'ils en fassent une édition. J'ai même pas acheté de Red Shoes parce que je le trouve cher, le Criterion. J'ai acheté ça, j'étais là, j'étais comme, je suis donc bien cave de payer. T'as payé plus cher? Je sais. Tu sais, Red Shoes coûte moins cher que mais ça, c'est parce que c'est une édition limitée à 2000 exemplaires, puis j'étais comme, ah, ça sera plus disponible à un moment donné, puis je suis comme, ah, je vais le prendre. Ouais. Il y a 3 heures de bonus dessus. Puis tu vas me leur prendre 25$. Il y a 3 heures de bonus dessus. Allez sur le site Le Chat qui fume. Moi, c'est ça que je recommande. En tout cas, c'est une Collector's Edition aussi, mais peut-être pas payer 45$. J'espère qu'une compagnie nord-américaine va le reprendre le transfert. Parce qu'il y a une compagnie en Allemagne qui ont pris le même transfert puis qui ont fait leur propre version eux autres. Puis la pochette est vraiment plus belle aussi. C'est sur Caméra Obscura, Film, Distribution, quelque chose comme ça. Là. Puis la pochette est vraiment belle. Non, c'était plus cher. C'était... moins cher, t'as raison. C'était moins cher, mais c'est parce que je voulais avoir la version française. Parce que dans les bonus, ils n'ont pas tout transféré dans la version allemande. Je fais que. Un petit peu moins de bonus, puis je me suis dit, ben, tant qu'à payer, je veux avoir tous les bonus. Puis je veux voir le petit garçon de nos jours, de quoi il a l'air, s'il y a encore ses cheveux lettres, là. Ben, je pense pas. C'était, est-ce qu'il y a vraiment une coiffure affreuse? Mais dernière chose, tu parlais, je repense à ça, tu parlais de la technologie tantôt qui a vieilli, puis oui, ça a vieilli, puis ça a mal vieilli, mais quand j'ai vu le film, moi, je suis capable assez facilement de me remettre dans cette époque-là, parce que je l'ai vécu, j'avais 12 ans quand le film est sorti. Puis, je disais à ma blonde, tout en voyant le film, j'étais comme, mais je capote. Si j'avais vu ce film-là à 12 ans, j'aurais capoté ben raide sur tout ce qu'il y a, les gugus qu'il y a, les gugus technologiques, puis tout. Puis je me voyais le bracelet, les caméras. Ben oui, je me voyais en petit gars là, qui trippe là-dessus. Puis non, j'ai retrouvé mon petit gars intérieur en voyant ce film-là. J'ai vraiment trippé. Je trippais à voir aller les intrépides, imagine, là, lui. C'est clair. Fait que non, c'est ça. C'est ça pour nos recommandations. Fait que on a fini, je pense, là-dessus. Oui. Yes. Donc, on passe en musique avec qui? Donc, Joël Martel? Non. Non. Moi, je garde. Parce que là, pour celle-là, il y a une toune que j'ai entendue pendant le film. Que j'entendais dans ma tête tout le long. Puis c'est dans la soundtrack de Home Alone et c'est Setting the Trap. Vous allez l'entendre, je vais faire comme OK, oui. C'est quand il place les pièges dans sa maison. Ouais, chanson de Noël. J'ai peur que tu me sortes la toune de Bonnie Tyler qui est vraiment. Qui sort de nowhere dans ce film-là, puis qui n'a aucun rapport, tu sais. Dans 36-15, il y a une toune de Bonnie Tyler qui s'appelle Merry Christmas, puis c'est comme. Mais pourquoi de tout à coup j'ai une toune de Bonnie Tyler qui est dans un film français, en tout cas. Mais, c'est années 80 Power. Allons-y avec ta chanson d'abord. Et on revient tout de suite avec Better Watch Out. We'll be right back. Hey, à la fin des épisodes, on dit tout le temps « Gardez ça horreur ». Comment est-ce qu'on fait pour garder ça horreur? Pour garder ça horreur, JF, il y a plusieurs moyens. Premièrement, sur iTunes, on peut donner 5 étoiles au podcast, en plus d'écrire un commentaire, comme ça, ça nous fait monter dans les recommandations. Ensuite, à la fin des billets sur notre site, on peut trouver un lien Amazon qui nous amène sur le site Amazon. Dès qu'on fait un achat, Horror Gamer reçoit une ristourne. Puis en plus, hey, c'est simple, tu peux juste en parler à tes amis puis dire à quel point Horror Gamer, c'est un podcast tellement cool. C'est quoi l'adresse du site? www.horrorgamer.ca. Fait que tout le monde, gardez ça horreur. Eh bien, on poursuit avec Better Watch Out, film de 2017, réalisé par Chris Pickover et connu avant sous le nom de Safe Neighborhood, parce que le film a fait une couple de festivals bien avant. Et quand il a été racheté, le titre a été changé pour X raisons, pour que ça fasse plus Noël, I guess. Je vois pas d'autres raisons. Ça met en vedette Olivia de Jones, Levi Miller et Ed Oxenbold. Et ça raconte l'histoire d'un jeune qui vit dans un petit quartier familial, je dirais pas de riche, là, mais un petit quartier bien rempli, qui va passer une nuit avec son ami, puis ses parents vont sortir, puis il y a une de ses gardiennes régulières qui va venir le garder, puis il y a un gros kick sur lui, sur elle, fait qu'il se dit, ben, c'est la bonne soirée pour tenter de conquérir son cœur, mais au fur et à mesure que la soirée et il va commencer à arriver des petites choses étranges à l'extérieur. Ils vont se rendre compte qu'il va y avoir un intrus ou des intrus qui vont s'incruster dans la maison et la babysitter et le jeune vont devoir se battre pour survivre et tenter de repousser les envahisseurs. Fait qu'en gros, c'est ça. On peut pas aller plus loin que ça parce que vous le savez, c'est un film où il faut pas rien lire si vous avez pas vu le film ou même nous écouter. Ou des bananons, évitez la bande-annonce qui est la pire bande-annonce que j'ai vue cette année. Tabarnak! Calique que c'est stupide. Mais, tu sais, il y a quelqu'un qui me dit est-ce que ça va gâcher mon visionnement si je sais le twist? Je crois que ça va te gâcher la surprise. Est-ce que ça va gâcher ton visionnement? Je crois pas. Je crois que le film reste fun malgré tout. C'est juste que l'effet de surprise sera pas là. Puis je trouve que ça en rajoute quand même pas mal. En tout cas, c'est ça que ça nous a fait au Fantasia. Parce que moi, je l'ai vu au Fantasia. Puis c'est zéro le film que je m'attendais. À un moment donné, je savais plus aussi que ça s'en allait. Puis quand ça a pris la tournure que ça l'a pris, j'ai comme fait OK, bravo. Ça fait longtemps que je me suis pas fait avoir comme ça. Et ça résume pas mal un peu mon impression. Better Watch Out. C'est pas un grand film, tu sais, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment divertissant, puis c'est du gros fun. Puis quand je me fais un marathon du temps des fêtes, c'est ce que j'aime me faire. Des films le fun, agréables. Et Better Watch Out, ça te donne tout ça. C'est surtout un film d'horreur qui mise sur la comédie noire, ce qui me plaît beaucoup. Puis ici, la comédie est très noire. Fait que ça me fait beaucoup plaisir. J'aime beaucoup le casting, les jeunes. On retrouve justement le frère et la sœur qu'on a pu voir dans The Visit, qui ici joue, elle joue la babysitter, puis l'autre joue l'ami du jeune qu'elle garde. Puis le jeune qu'on suit, Levi Miller, que je ne l'avais pas trop vu avant, est écœurant aussi. Je trouve qu'il est vraiment une excellente performance. Là-dedans, tous les acteurs sont sur la coche. Je trouve que c'est un film parfois cynique, parfois amusant. Ça va un peu dans toutes les directions. Difficile d'en parler. C'est vraiment difficile. Mais je le recommande fortement. Le film a ses moments, des set pieces vraiment, vraiment mémorables. Comme je dis, c'est pas forcément un grand film. C'est juste que le réalisateur nous amène dans des endroits qu'on pensait pas, puis ça fait du bien. Et la ride est juste trippante. Fait que, en gros, moi, c'est ça. C'est du bon divertissement. Là. Ben, Seb, tu continues? Oui. J'avais réussi à ne pas avoir le spoil du punch. Fait que j'ai vécu l'expérience de Better Watch Out full. Je l'avais commencé avec ma blonde, puis Mané a décidé d'aller se coucher parce qu'en fait, là, il est tard, faut que j'aille me coucher. Puis, genre, elle montait les marches pour aller à la chambre. Puis là, le punch est arrivé, j'ai comme fait Oh my god, si elle a vu ça, elle ne serait jamais allée se coucher. Fait que j'ai écouté Better Watch Out tout seul, j'ai fini, j'avais la gueule à terre. Le lendemain, j'ai fait OK, là, Marie-Ève, faut vraiment qu'on l'écoute. OK, t'étais rendu là, j'ai pas supplé. Deux minutes après, elle a fait My god, voyons donc. Et c'est ça, là, c'est comme année, tu fais mais je suis en train d'écouter quoi? Un peu comme 3615, tu sais, une année, tu fais. Je suis en train d'écouter quoi? Je pensais que j'allais écouter, tu sais, dans 36-15, je pensais que j'allais écouter quelque chose de léger, puis c'est pas léger. Puis ça, tu penses que tu vas écouter qui? Puis finalement, t'écoutes Guy. Mm. À un moment donné, on dirait qu'ils ont changé de réalisateur pour en prendre un qui fait certains films qu'on nommera pas, que je nommerai pendant les spoils, mais... Je sais qui tu veux parler. Ouais, c'est ça. Et non, c'est ça. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai vraiment été diverti à fond. J'ai aimé que les personnages, à moins que là, peut-être qu'on en débattra, mais j'ai trouvé que les personnages n'étaient jamais stupides. Pour s'en sortir, ils font le max. T'sais. Les personnes en danger font le maximum qu'ils peuvent pour s'en sortir. Puis quand ils ne réussissent pas, tu fais comme, ben écoute, t'as fait ce que tu peux, puis l'autre t'as pris en défaut. T'sais. Écoute, puis c'est ça, c'est que le film, tu penses, OK, c'est ça le punch. Non, OK, c'est ça. Voyons, bang! Bang, bang, bang, bang, bang. T'sais, même dans le film, les gens sont comme, ben non, là. C'est pas ça qui est vraiment en train d'arriver. Même certains acteurs dans le film croient pas vraiment au danger ou à tout ça. Ils sont comme, ben non, c'est correct, le garde. On va arrêter, puis ça va finir, là. Mais c'est ça. Moi, les acteurs, je les ai aimés, mais celui qui joue le personnage principal, parfois, je trouvais qu'il essayait d'imiter certains autres acteurs dans son interprétation. Je les regardais aller. Des fois, il faisait des monologues, il faisait des discours, puis j'étais comme, oh my God, c'est le petit gars qui a déjà vu un film avec quelqu'un qui fait ce genre de discours-là, puis il est en train d'essayer de livrer la performance. Je comprenais que son personnage pouvait aller dans ce genre de discours-là, mais des fois, j'étais comme, non, là, t'es trop débarqué de la ride. Je vois l'acteur qui joue puis qui dit son rôle. Puis je vois Jeff qui hoche la tête. Mais ça m'a gossé. Ça m'a vraiment gossé. Il y a vraiment certaines scènes, j'étais comme, non, là, t'es plus dedans. Là, tu penses à ton texte puis tu veux avoir de l'air cool. Tu veux juste dire ta réplique de façon le fun. Puis c'est plus naturel. Tandis que les deux autres acteurs de visite étaient toujours sa coche. Les autres, j'y trouvais toujours vraiment, vraiment sa coche. Mais c'est ça. C'est vraiment, ça a été mon plus gros défaut du film. Avez-vous vu la scène j'ai pas besoin de spoiler pour vous le dire, avez-vous vu la scène post-générique ou milieu de générique? Oui. Pas nécessaire, puis elle mène à rien, parce que quand tu y réfléchis, tu sais très bien que ça ira pas plus loin que ce qu'elle a l'intention de faire, la personne qui dit ça, mais c'est ça. Je dis pas non, moi. Non? Ben, non. Ça marchera pas. Ça peut pas marcher. Non, moi j'en veux pas. Ça peut juste être. Je veux pas que ça continue. Mais... non, hein, mais Jeff, je laisse la parole à nous. Ben, vous avez pas mal tout dit. Moi, je suis d'accord sur l'acteur principal. Je l'ai pas vraiment aimé tant que ça. Je trouvais qu'il sonnait faux souvent. Ça, j'arrivais pas à mettre des mots vraiment là-dessus, mais tu l'as dit. C'est ce que tu as dit, ça. C'est exactement ça. Je trouvais qu'il. Tu sentais l'acteur souvent dans ces scènes-là. Moins de personnages. Puis j'avais jamais remarqué que c'est deux acteurs de visite, les deux autres. Je viens de regarder des photos. Ils ont quand même vieilli. Ouais, j'ai oublié un peu de visite. j'ai beaucoup aimé les twists. Le film est très surprenant puis très amusant. J'ai ri. J'ai ri beaucoup dans ce film-là. Ouais. Mais j'étais allé me coucher après le film avec ma blonde. Puis j'ai dit. On s'est comme dit tous les deux, ouais, ça va être. C'est aussitôt vu, aussitôt oublié. Là, ça, comme je ne reverrai plus ce film-là. C'est correct. J'ai eu du fun, mais ça s'arrête là. C'est léger. L'aspect Noël est vraiment aucun rapport dans ce film-là. Oh, il n'y a pas d'aspect Noël. Là. Ben, tu sais, de les sapins partout. Même l'effet. Oui, mais l'effet que ce soit l'hiver sert-tu le film, non. Puis le titre, ils ont changé le titre pour que ça fasse plus Noël, mais ça c'est juste du marketing. Là. C'est pas un film de Noël. Ça pourrait être un film de Saint-Valentin ou de Pâques. Ça serait même maudite affaire. Là, mais tu sais, des fois, c'est juste qu'un décor en rajoute. Fait, c'est non, le fun, pareil c'est que ça se passe durant le temps des fêtes. T'sais, même plutôt, si ça mène à rien. Plutôt que d'avoir de quoi de random, là, de juste dire ça se passe été, un t'sais. 2 juillet, tu sais, ben, ça se passe le temps des fêtes. Ça justifie un décor. Non, j'ai beaucoup aimé quand même le déroulement de l'affaire, puis toutes les surprises tout le long, puis tout ça. Moi, j'ai ri les 5 premières minutes du film avec les parents, puis j'étais tellement déçu que le film les flush. Je comprends pourquoi ils ont flushé, c'est pas important, les parents, mais c'est parce qu'ils ont été chercher Virginia Madsen, puis Patrick Warburton, deux acteurs que j'aime beaucoup, puis c'est comme, asti, qui était drôle, toi et deux, toi. Leur dynamique est drôle. Ouais, c'est ça. Puis quand ils reviennent plus tard à la fin, tu sais, sans spoiler rien, mais c'est comme, ils sont le fun, ils sont vraiment le fun, tous les deux, tu sais. Puis je voudrais voir un film juste avec eux autres. J'aurais voulu genre une tentative ou deux où ce qu'on les appelle ou qu'on les voit, tu sais, qu'il faut qu'on en appelle-tu. Ça, c'est juste chose. Pour les voir, là, là. C'est peut-être dans des deleted scenes, ou je sais peut-être. Pas, mais... Puis ça, c'est quelque chose qui m'a un peu titillé. J'étais comme, pourquoi est-ce qu'ils appellent jamais dans la soirée, ces deux-là? C'est des parents. Ah, je sais pas. C'est sûr que le flou, il n'y a pas de 5 ans. Le flou, il est vieux, là. Non, moi, je l'appellerais pas. je fais garder mon petit gars une journée de temps. Il va coucher chez ses grands-parents, puis on n'appelle pas. Là, fait que... Je sais pas, moi, il va te garder pour la première fois demain, quand je vais aller voir Star Wars. Que... Colin! C'est pour une bonne cause, c'est Star Wars. Première fois qu'il se fait garder. C'est ça. Tu sais, en même temps, quand t'as un home invasion, t'as pas forcément le temps d'aller au téléphone non plus. Là. Non, il y a ça aussi. C'est-tu un home invasion? C'est quoi le film, en fait? Hein, c'est un peu difficile à dire. Arrêtez, là, je trouve que vous titillez un peu tout. on fait juste dire que c'est pas ce qu'on pense que c'est. Non. C'est ça. C'est un peu près ça que je savais, là. Hein? C'est un Père Noël maniaque. Hein? C'est un Père Noël maniaque, puis il y a un accent français. C'est des biscuits qui deviennent en vie et qui attaquent les gens. C'est deux cambrioleurs. Krampus. C'est deux cambrioleurs. Idiots. Ah, oh, God. est-ce qu'on passe dans la section spoilers? Faut pas on n'a pas le choix. On peut pas rien dire. Ouais, c'est pas évident de parler de ça, sinon... On fait nos recommandations, puis la section spoilers va être à la fin de la conclusion. Ceux qui écoutent. Parfait. D'accord. Recommandation? Moi, je recommande un achat, parce que le Blu-ray est vraiment pas cher, 14$. Le petit package est vraiment cool, nice, comme un cadeau de Noël, que la façon dont tu l'ouvres, là, l'édition est belle. Et je trouve que c'est un film qui a une valeur de réécoute. Tu sais, t'as du fun, tu ris, puis j'aurais envie de le revoir durant les temps des fêtes. Je trouve que j'ai suffisamment de fun pour vouloir le revoir, fait que je le conseille fortement. 14$, je dis que ça vaut la peine. Moi, je l'ai vu deux fois, deux soirs. Quand je l'ai réécouté avec ma blonde, j'avais du fun à revoir le film, mais j'avais du fun en plus à l'écouter avec elle puis à regarder. Ouais. Je fais comme « Ah! Ah! Ah! » Ça, c'est le fun. j'ai goût de le faire avec d'autres personnes aussi, ce film-là. Là. C'est le genre de film que tu veux recommander au monde puis l'écouter avec eux autres. C'est sûr que je vais le réécouter une couple de fois. Moi, j'ai... Une fois, c'était en masse, fait que je dirais une location sur Google Play ou iTunes. Et sur Shudder en ce moment, pour ceux que ça l'intéresse. Sur Shudder? Ouais, c'est une exclusivité Shudder. C'est une fucking niaise, ça veut dire que je l'ai loué sur Google Play sans checker. Ouais, exactement. Je l'ai loué, moi aussi. Ah, ah le pire, c'est que moi, j'aurais pu l'avoir gratis. C'est s'il y a des auditeurs qui sont en Ontario, puis vous avez une carte municipale, une carte de la bibliothèque municipale, puis vous avez accès au service Oopla, allez connectez-vous là-dessus avec votre numéro de membre de bibliothèque municipale, puis vous pouvez emprunter des films, des bandes dessinées, des albums, toutes sortes d'affaires en ligne. Puis ça marche avec Chromecast, il y a une application Roku aussi. Je m'en suis rendu compte après qu'il était là-dessus, sinon je l'aurais pas loué, je l'aurais emprunté. J'ai regretté un peu mon 5-6$, j'étais comme « Ah, oh, fuck ». Mais non, c'est correct pour une location comme film. Okay. Cool, ben on va passer en musique avant la conclusion. D'accord. Puis la section spoilers après. Et en musique, ce sera l'ami Joël Martel. Je t'aime, Joël! qui vient de sortir un nouveau EP qui s'appelle « Les squelettes ». Très thématique horreur, même si à peu près pas toute une d'horreur dessus. Mais il y a une chanson qui s'appelle « Joyeux Noël ». Si vous ne connaissez pas Joël Martel, on vous avertit, là, c'est un extraterrestre, ce gars-là, puis cette musique-là, puis cette chanson-là. Mais ça vaut vraiment la peine. Après avoir écouté quelques tunes, vous comprenez qu'est-ce qu'il fait, puis là, vous embarquez dans son trip ou pas. Mais c'est vraiment amusant. Et c'est ça. Joyeux Noël sur les squelettes. Puis son projet sur Bandcamp, ça s'appelle Martel Solo. Allez, jetez un œil. Ouais. Ça revient après. Pour aller retrouver ce qu'on aime, je veux rien voler à part deux, trois affaires dans ton frigo. Je veux juste passer Noël au show. Stresse-toi pas, je veux rien briser à part pour la fenêtre. Fallait que je rentre, je suis désolé. Joyeux Noël. Le reste de l'année à dormir en me faisant chasser, à faire des siestes au McDonald's, à me faire demander d'aller ailleurs. Je veux rien voler à part deux, trois affaires dans ton frigo. Je veux juste passer Noël au show. Stresse-toi pas, je veux rien briser à part pour la fenêtre. Fallait que je rentre, je suis désolé. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Donc, c'est la conclusion de notre épisode de Noël, de notre dernier épisode de 2017, en fait. Déjà, oui. Parce que si on continuerait aux deux semaines, on tomberait le 31, puis le 31, on va faire d'autres choses que d'enregistrer pour Horror Gamer. Ben là, quand même, on a des familles, on a des enfants, on a des cadeaux à ouvrir. Ben oui. On peut pas juste faire du podcasting tout le temps. Pour le 31, je vais écouter le bye-bye, puis Infoman, puis on va boire du champagne. Puis... Belle soirée en vue. Ouais. Puis, fait qu'on va revenir le 7 janvier, si tout va bien, d'après nos calculs, ouais. On ne sait pas encore à quel jour, on verra rendu là. Merci tout le monde d'avoir écouté. Je voudrais juste remercier aussi nos Patreons. On a un Patreon qui se mérite un shout-out. Si vous allez sur notre page Horror Gamer, en fait, j'ai aucune idée c'est quoi l'adresse du Patreon. Hey, j'ai bu de la bière, hein. je déparle. Allez sur le site d'Horror Gamer, il y a le lien direct pour le Patreon. Ou tapez dans Google Horror Gamer puis Patreon. Puis vous allez arriver là-dessus, puis vous allez savoir comment faire pour avoir votre propre shout-out. La personne qui a droit à son propre shout-out ce soir, c'est Véronique Lebel. Alors, shout-out, Miss. Vas-y. On dirait que ça a coupé. Ouais. Non, juste ça. Shout-out Véronique Cloutier. Mais non. Pas de enfin, la fureur! La fureur! Comment est-ce qu'il va, Louis Morissette? Il chicane encore. Ils font pas un show, là? Enfin, ils achèvent le show, je pense. Ils ont terminé, là, je pense. Ils ont terminé. Si je me trompe pas. Charlotte Véro, merci d'être là. tous nos épisodes, c'est vraiment cool. Sinon, ben, as-tu d'autres choses à rajouter? Ben, on va vous souhaiter un joyeux Noël et une très bonne année. Profitez-en, buvez, mangez autant. On espère que vous allez développer plusieurs cadeaux, dont des films que vous allez vous taper. Ça risque d'être très agréable. Sinon, ben, on souhaite d'avoir une année 2018 aussi bien remplie en cinéma d'horreur, parce que moi, je trouve que 2017, ça a été une très, très bonne année. Fait que on croise les doigts pour que la suivante soit autant bonne. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés. Puis, ben... Comme on vous dit toujours, gardez ça horreur. Donc, on rentre dans les spoilers de Better Watch Out. J'espère que vous avez vu le film parce que ça va vraiment tout vous gâcher. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur les spoilers? Ben, on pourrait dire que finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que Il n'y avait pas d'intrus dans la maison. Mais c'était plutôt c'était un coup monté entre le garçon et son ami. Pour. Là, Manu, tu sais plus. C'est un coup monté pour qu'il ait l'air d'un héros pour séduire la gardienne, pour essayer de se matcher avec. Mais finalement, tu te dis, c'était-tu vraiment un coup monté pour ça? Ben, il voulait juste tuer tout le monde. Parce que finalement, le kid, c'est un psychopathe, ah, c'est Patrick Bateman. C'est le gars de Psycho, là. C'est Patrick Bateman dans Psycho. Là. Ah, pas dans Psycho, dans American Psycho, je veux dire. Ouais, parce qu'il ça, parle de la musique, il parle de tout ça. Il est vraiment. Il fait très Christian Bale, American Psycho, des fois. Ouais. C'est fou parce qu'à partir de ce moment-là où que tu te rends compte que l'autre, c'est son ami, puis c'est vraiment tout organisé, là, j'ai eu un moment mindfuck parce que j'étais comme, OK, ça fait une demi-heure que tu es en train de me déjouer. Là, je sais juste pas c'est quoi ou juste qui s'enchaîne, puis ça continue. Puis au moment qu'elle gifle, puis qu'elle tombe dans l'escalier, j'ai comme eu un blanc. J'étais comme, OK, c'est quoi qui se passe, là? Oui, parce que tu sais, quand tu fais « Ah, là, c'est mon ami, puis là... » OK, tu fais « Mais là, il n'y a plus de film. » T'as comment, en fait, te dire « Mais il n'y a ça, plus de film! » S'il n'y a plus d'intrigue, il ne se passe plus rien. C'est quoi, là, le reste du film? Non, il te la gifle, elle se tombe dans les escaliers, puis là, j'étais comme « Oh, mon Dieu, ils ont tué la gardienne par accident. Ça va être ça? » Ouais, c'est ça, j'ai eu la même réaction. La même. Puis là, tu fais « Ah non, shit, c'est pas ça. » Là, ligotée, puis là, t'es comme « Pourquoi elle est ligotée? » Qu'est-ce qui se passe? T'sais, finalement, il a appelé son chum, il a appelé son ex, il a le goût de tuer tout le monde. Écoute, penser ça par un crime passionnel de la part de l'ex, puis son coup, il est monté, ça coche. Oh oui. T'sais, quand tu la regardes, t'es pas comme non, c'est ça marche, ça tient pas la route. Là. Tu la regardes, t'es comme oh, Chris, il a pensé à tout le tabarnak. Ouais. Il a vraiment pensé à tout. Jusqu'à la fin, quand il essaie de réparer les morceaux, moi, ça me faisait triper. Le petit crayon, il passe 2 minutes à essayer de remettre les crayons, c'est hilarant. Mais. Puis que finalement, ça crée un suspense, tu sais, ce putain de crayon-là. Ben, tu sais, genre, à un moment donné, hey, ça sent la drogue. Hey, mais là, ça va sentir la drogue. C'est comme, ouais, pourquoi? Là? Fume la drogue. OK, c'est cool, ils vont penser que c'est lui. T'es comme, tabarnak. Il a fuck, c'est tout, là. Mais c'est drôle, moi, la première chose que je pensais que c'était, parce que la photo que j'ai vue durant le film passé des festivals, tu voyais les 3 kids avec un liquide jaune. Moi, je pensais que c'était genre du sang de bébite. Fait que dans ma tête, j'étais comme, je m'en vais voir un sous-gremlins. Là. Il va avoir des petites bébites ou de quoi. Fuck, c'était vraiment pas ça. Et mais, là, c'est plus un lien à Home Alone, finalement. Moi, je comprends votre point, ce que vous avez dit sur le jeune acteur. Puis c'est pour ça que je trouvais ça piqué quand vous en parliez avant, parce que j'étais comme, vous avez l'air quasiment d'être sur le bord de spoiler, que les deux autres sont corrects. Mais... En tout cas, mais c'est que je trouve que c'est le jeune qui essaye d'avoir l'air adulte, il essaie d'avoir l'air professionnel, puis c'est ça le gag, parce qu'à toutes les fois qu'il essaie, justement, il sort des monoïdes, ces choses-là, mais il se fait tout le temps ridiculiser, ou tu sais, c'est comme il se fait remettre à sa place que le gars, t'es juste un kid de 12 ans. Tu sais, à un moment donné, il essaie de faire un appel téléphonique, puis t'as les deux autres ligotés, puis ils se foutent de sa gueule au téléphone parce que ça marche pas non. Son affaire. Puis une de mes scènes favorites, là, j'ai vraiment ri solide, là, c'est quand il fait venir, je pense, c'est l'ex de la fille, c'est joué par lui qui joue le Power Rangers rouge du nouveau film. Il arrive là, puis là, il y a, tu vois que tout son plan. OK, mais sur la balançoire, tu vas être plus confortable. Puis le gars le regarde, il fait une genre de face comme non. C'est genre pourquoi j'irais m'asseoir sur la balançoire. Ça me faisait tellement rire. Ouais. Non, vraiment, c'est ça. Là, tu sais, quand plus c'est encore des affaires que tu fais comme, mais à quoi, c'est quoi son idée? Mais tu sais, le gars, il fait, OK, ben tu peux juste retrouver la porte que je vais te donner les fleurs, tu sais, le chum qui arrive. T'es comme, non, il burst la porte ouverte, là, tu sais. Puis tu sais, j'aimais ça que le flow arrive avec la batte de baseball et t'as le varge, puis c'est comme, yeah! Hey, non, t'es un flow, tu sais, tu peux pas le knocker. Et non, finalement, il t'a fini par le knocker parce qu'il se pogne d'aplomb. Là, mais, tu sais, justement, à ce moment-là, tu fais comme, OK, Chris, non, il va se faire avoir. Là, le gars est plus fort que lui. À certains moments, tu fais, non, c'est un kid. Oh, non, OK. Il est toujours correct parce que, bon, il y a un gun. Ouais, le gun, ça fait toute la différence. Ouais. Puis la surprise du shotgun, du coup de shotgun, là. Après le meurtre-suicide de l'ex, ça, j'étais mal pour le petit gars. Ouais. Parce que t'es comme, ah non, hein, voyons donc, pas son ami, là. Voyons donc. Ça n'a pas de sens. Plus qu'il gueule après. Je t'avais dit de pas y toucher. Je t'avais dit de pas y toucher. Puis même jusqu'à la fille qui est assise à la chaise, puis elle poignarde dans la gorge. J'étais comme, waouh, wow, le film ose aller jusque-là. Ouais, j'étais comme, ok, t'sais... non, je trouvais ça vraiment nice. Là. Puis là, tu sais, il disait, je suis le meilleur pour convaincre les gens que c'est pas de ma faute. Genre, tu sais, quand j'ai voulu défendre telle une de tes affaires que tu as faites en faisant semblant que j'étais somnambule. Puis là, tu te fais comme, si, mais sa mère, au début, elle dit, oh, on met ça parce qu'il est somnambule, puis on veut pas. Là, t'es comme, ben voyons donc, Esti, il a fait avaler un paquet d'affaires, tu sais. Son histoire de je veux me faire bercer par ma mère encore, tu sais. Ouais. Puis que la gardienne, elle essaye le truc de je vais jouer avec sa psychologie, puis même là, ça marche pas, tu sais. Quand elle dit je sais pourquoi ta mère te berce plus, puis elle ferme sa gueule, ouais. Tu sais. Comme genre, il va me garder en vie parce que il est tiqué, puis il va vouloir que j'y dise, tu sais. Mais il fait comme, non, tu me le diras pas, ok, d'abord. La fameuse scène du Home Alone, là, qui est une excellente scène de suspense, mais que c'est, oui. C'est vraiment hot. Là. C'est parce que, tu sais, rendu à ce moment-là, tu fais OK, shit, là, c'est parce qu'il va tuer quelqu'un. il a comme jamais été jusqu'au bout de ses menaces, mais là, il va tuer quelqu'un. Puis là, après ça, il est comme wouhou! C'est pas un flou qui se rend compte de oh shit, man, qu'est-ce que j'ai fait? Non, non. Il est déconnecté. Ah, vraiment, vraiment. Non, j'ai vraiment, moi, j'étais à la toute fin, avant la dernière scène du générique, j'étais comme à la toute fin, quand on voit ce que la fille fait quand elle rentre dans l'ambulance, là, son doigt d'honneur, j'étais comme, yes! Ah oui, vraiment, tu veux que ça arrive. Oui. La face qu'il fait, ça vaut 1000 piastres. In your face, comme, oh, c'est con, in your face. Oui, ah! Oui, parce que là, à ce moment-là, t'es comme, ah, si, ça en est sorti, le tabarnak. Puis là, juste d'entendre, il y a quelqu'un de vivant, puis sa face qui fait comme, pfff. Oui. Son plan était bulletproof. Là. Il était bulletproof. C'est même la réaction. La scène après générique, elle vient pas gâcher ça, mais c'est comme. C'est fait pour l'humour, là, c'est correct. Mais j'en veux pas de suite. Ouais. Je veux rester avec l'idée que la fille s'en est sortie. Puis, Non, mais de toute façon, ma blonde, elle faisait comme ah ouais, bon, shit. Mais j'ai dit, mais non, regarde, là, à l'hôpital, la fille, elle vient d'être victime d'un crime. Elle est le seul témoin encore vivant. Elle est consciente, c'est sûr et certain qu'il y a un policier qui est là, puis dès qu'ils sont capables d'y parler, ils parlent. Le flou est même pas de la famille. Là. Il pourra pas rentrer dans la chambre d'hôpital. Là, là. Mais sa défense, dès ça va être que c'est un flou. Il peut pas avoir fait ça, c'est un enfant. Honnêtement, ça pourrait te donner quelque chose de peut-être intéressant, justement, du fait que. Ils vont pas la croire forcément, t'sais, justement comme dit Jeff, c'est un flow. Puis j'aimerais ça peut-être de quoi de encore avec de l'humour noir, mais tu sais un peu sa parole contre la sienne. Je sais pas, tu sais c'est pas nécessaire, mais si le réalisateur arrive avec une suite, puis quand même une bonne idée de vouloir la développer, puis c'est songé, ça pourrait être intéressant. Mais tu sais, mais c'est pas nécessaire. T'sais, s'il y en a pas, je vais pas pleurer non plus. Non, c'est ça. J'aime beaucoup le monologue que la fille lui fait aussi, un coup qu'elle découvre que c'était toute une combine. Là. Parce que n'importe qui réagirait vraiment de même. Là. C'est pas juste, oh, ok, t'as juste fait une combine. Non, c'est grave ce que tu viens de faire là. Là. Tu me fais à croire que j'allais peut-être mourir, pis ces choses-là. Ben, elle te le ramasse, mais solide. Là, tu vois qu'il est tout petit. Là. Mais vraiment. Puis moi, ce qui est drôle, c'est que deux jours avant, j'avais écouté The Babysitter sur Netflix. Ouais, tout le monde fait la comparaison, mais dans le sens contraire. Mais la prémisse est tellement là. Je sais pas si tu l'as vu, JF, la prémisse de si tu l'as vu, Babysitter. Tu l'as vu? La prémisse de Babysitter, c'est quand même un gars qui est trop vieux pour avoir encore de Babysitter. Sa Babysitter qui est sexy, ça en vient. Ça va être la dernière fois qu'elle va le garder parce qu'elle s'en va. Puis lui, il veut trouver un moyen d'y dire qu'il l'aime. Puis il y a un plan pour ça. La prémisse, là, c'est exactement ça, là. Jusqu'à ça, là, tu sais. Mais dans Babysitter, c'est autre chose qui va se passer. Ouais, c'est fou, là, mais tu sais, c'est deux films. Deux films à l'opposé, là. The Babysitter, là, c'est... Il s'amuse, puis il est over the top, puis, tu sais, tu y crois pas, là, mais tu sais, c'est fun. T'sais, Babysitter, c'est vraiment fait pour être le fun, puis juste, tu mets ton cerveau à côté, puis tu t'amuses. C'est vraiment bon, par le way, là, écoutez-le. Tandis que, tu sais, Better Watch Out, t'as quand même l'impression que... Puis oui, c'est ça que j'allais dire à Michael Haneke, là. Ouais, c'est pas mal à ça qu'on pensait mais pour du moment. Ouais, t'as carrément l'impression que t'écoutes Funny Games à un moment donné, là. Ouais. Un peu plus, puis il va regarder la caméra, là. Il manquait rien que ça, là. Puis, tu sais, j'ai rencontré le réalisateur là-bas, puis il est tellement nice. Puis, tu sais, c'est son premier long-métrage. Fait que, tu sais, encore là, je trouve que ça va être un réalisateur à suivre. C'est cool de... Parce que on a parlé, je pense qu'on avait fait l'épisode Krampus, mais avoir des nouveaux classiques de Noël ou des films que tu as envie de revoir, c'est crissement difficile. On se tape tout le temps les mêmes vieux films. Fait que, tu sais, là, moi qui... En tout cas, moi, de mon côté, qui est vraiment satisfait de Krampus, que je revois à chaque Noël, mm-hmm. puis là, un Better Watch Out, ben, tu sais, je trouve ça nice, là. Ça fait comme deux films que ça peut... Ça peut changer les top 10. 36-15 aussi, là, que j'ai finalement vu qui va venir aussi dans ma liste. Fait tu sais, au moins, ça fait changement des mêmes top 10 avec... Ouais, mais non, mais pareil, ça devient... Un vieux film peut devenir ton nouveau classique. Ouais, hein. Oui. Non, exact. Ben, tu sais, 36-15, je l'ai pas vu tant que ça dans les top 10 en dehors de la France, là, sérieux, là. Mais personne l'a vu. Mais c'est ça. J'étais pas disponible. Mais non, mais je reverrai Krampus avant de voir Better Watch Out. Personnellement, c'est juste mon goût personnel. Ben, c'est ça que je disais. Je disais que Better Watch Out, c'est pas un grand film, mais que c'est un excellent divertissement qui est quand même intelligent. J'ai ri tout le long, comme je dis, j'ai ri tout le long. Tandis que Krampus, pour moi, c'est différent. T'sais, j'ai fini Krampus, je voulais déjà revoir, puis pour moi, c'était déjà un nouveau classique de Noël. T'sais, tandis que Better Watch Out, oui, j'ai envie de le revoir dans le temps de Noël, mais je sais pas, j'ai pas eu le même. Mais même plus feeling, le feeling de Noël en voyant Krampus qu'en voyant lui. Ben oui, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Krampus, il s'imprègne de Noël. Là, tu sais, là. Ben encore là, c'est parce que le monstre principal de Krampus s'est relié directement à Noël, encore une fois. Fait que c'est sûr que tu peux pas passer puis à côté de ça. La famille fête Noël. T'as une impression de Christmas Vacation un peu au début du film. Ouais. T'sais. Ah, carrément. Détail technique, là, moi je suis bien ben pointilleux des fois. Dans ces genres de films-là, comme Better Watch Out, puis même 36-15, t'as des montages. T'es du personnage principal qui fait des affaires. Comme à la fin de Better Watch Out, quand il prépare mm-hmm. tous ses trucs pour donner l'apparence d'un meurtre suicide. T'sais. T'as 36-15 où il fait des petits montages pour s'arranger les jambes, s'arranger ses blessures, ben, se maquiller, puis tout. Tu regardes ça, tu fais. Dans la vraie vie, là, il n'y aurait pas le temps de faire ça. Ah, good. À la fin de Better Watch Out, tu fais, il n'y aurait pas le temps. Avec ses... Tu vois, c'est... je me souviens plus, là, je l'ai juste vu une fois, mais tu as ses parents qui arrivent, tu sens que ses parents arrivent, je ne sais pas trop, puis il prépare toutes ses affaires, puis c'est comme, il n'y a pas le temps, là. Il n'y a pas le temps de tout faire ça. Il est dans sa salle de bain en train de se nettoyer les dents, parce que, oh, j'ai oublié de quoi, il recrache tout ça. Puis... Le crayon. C'est ça, il a oublié le crayon. Ben, tu sais, ça dépend. Je veux dire, tu sais, il n'y a pas besoin que les scènes de crime soient propres. Tu sais, je veux dire, mettons, il y a un an avant que ses parents arrivent, ben, tu sais, il fait juste les éléments principaux pour qu'ils puissent vraiment croire que lui, il restait, mettons, dans sa chambre ou je sais pas. Fait. Mais c'est pas une critique contre le film, c'est juste que c'est moi qui ouais. J'arrête ces films-là. Ouais, pas... non, je comprends. En vrai, ouais. Il arrête tellement c'est pas ça, c'est... faire tout ça, là. Non, c'est ça, là. En plus, il est capable de voir ce qu'ils sont rendus avec son application, là. C'est vrai. Alors, ils sont à 5 km, puis t'es comme, Chris, man, grouille-touille, là. Mm. C'est ça que j'avais oublié, c'est vrai, c'est ça. Mm. Mais non, c'est ça, à la fin, la pire, c'est que, tu sais, je stressais, là. J'étais comme, il va-tu se faire pogner, il va-tu pas se faire pogner, t'es comme, puis là, t'es déchiré, là, tu sais, là, t'es mais comme... tu veux pas qu'il s'en sorte, mais c'est bizarre, sorte, comme tu dis, tu stresses. Tu stresses, tu sais, c'est ça, non, le film est bien fait pour ça. Puis justement, tu sais que. C'est ça qui arrive quand tu suis un tueur dans un film. Tu veux pas qu'il s'en sorte, mais en même temps, tu veux. T'sais. Quand tu suis Henry, ouais. Portrait of a Serial Killer, tu veux pas qu'il s'en sorte. Ouais, mais c'est, lui, ben c'est ton personnage principal. T'sais. Ouais. Dans Maniac, tu sais. Ouais, Maniac, c'est ça, c'est exactement. Fait, t'sais. Ouais, puis, tu sais, en plus, c'est que dans Better Watch Out, tu t'attends tellement pas à ce qu'il ait tué tout le monde que tu penses pas que le film va se finir en. Le stress, c'est-tu, il va-tu réussir à couvrir ses preuves? Ouais. Oh, t'es, quand t'arrives à ça, t'es comme, je suis vraiment en train de regarder ça. Es-tu vraiment en train de réussir, le tabarnak? Tu sais, là, c'est pas, oh, la poursuite finale, le combat final, la fille a réussi à se détacher. Non. T'sais. En plus, parce que tu y crois qu'elle va se faire détacher, le flow est en train de la détacher. C'est ça qui est vraiment le fun. T'sais, le réalisateur il a vraiment pensé à un film classique de Home Invasion, mais genre, qu'est-ce que je peux rajouter de nouveau, puis qu'est-ce que je peux changer qui va faire différent, puis il va jusqu'au bout. Fait que, ça fait du bien des films de même qui osent aller ailleurs t'sais, sans ouais. Suivre une structure trop classique. Il s'est pas reposé sur son punch. C'est exact. Ça que je trouve le fun. T'sais, c'est pas juste, haha, punch, c'était ça finalement, puis après ça, tu tombes dans un film cliché. La toi, un cliché, ouais. Ou comme pour certaines personnes diraient qu'il n'est pas original. Moi, quelqu'un qui me dit que vu venait le twist, j'ai de la misère pareil à le croire. J'ai vraiment de la misère à le croire. Il y a eu deux affaires que j'ai vu venir, mais c'est vraiment pas des twists, là. Mais puis je me rappelle pas c'est quoi la deuxième. Mais la première chose que j'ai vu venir, c'est quand on a vu le crayon, puis la fille était plus capable de la placer, je pense qu'elle met en dessous du tapis. J'ai fait ça va servir d'arme un moment donné. Ça. Oui. Oh oui, ça, oui. Mais en même temps, tu penses que ça va servir d'arme contre le méchant. Ben oui, c'est ça. T'sais. C'est le genre de fait que n'importe quel film d'horreur t'annonce un moment donné, il te fait un gros plan sur quelque chose, tu fais ah, ça va revenir plus tard, ça. S'il y a une autre affaire comme ça dans le film. C'est ça qu'il fait au début. Don't Breathe, au début, en un seul plan, il te montre tous les outils du film, mais tu sais pas qu'est-ce qui va servir à quoi. Ouais, c'est ça. Il appelle ça c'est un trope, là. C'est le fusil de Tchekhov qui appelle ça. Tchekhov qui disait ça, que si dans un premier acte d'une histoire, tu montres un élément, tu dois absolument t'en servir avant le troisième. Ouais. Parce que sinon, tu n'avais pas d'affaire à le montrer. Il y avait d'autres choses dans le film, mais je me souviens plus c'est quoi. À la limite, moi, à un moment donné, je me suis dit, c'est-tu vraiment une vraie home invasion? À un moment donné, je me suis posé la question. Parce qu'évidemment, là, tu sais, j'étais en train de chercher des punchs. Puis là, tu sais, quand c'est arrivé, j'ai fait, ah, OK, peut-être, ouais, je pense que ça m'est peut-être passé par la tête. À la limite, oui, je peux comprendre que quelqu'un ait vu ça venir, ce bout-là. Ouais. Et qu'après ça, qu'il ait vu le reste, non, fuck you. moi, pendant un instant, je pensais que c'était peut-être les parents, tu sais. Genre de twist avec les parents, je sais pas, qui sont maniaques. Là. L'assurance vie de leurs enfants. You Next 2. S'il y a une suite au film, en tout cas, je veux avoir plus de parents. Je veux avoir plus les parents. Ouais, ça aurait été cool, un petit bonus, là, ce DVD, là, avec des scènes effacées parce qu'elles sont drôles. C'est vrai qu'elles sont vraiment. Ils sont vraiment le fun ensemble. La cravate. C'est ça, tu sais. Il la sort, là. C'est pire que la première. Ah, non, c'est fun. Mais est-ce qu'on a d'autres choses à dire là-dessus? Non, moi, je pense qu'on a tout. Non, en fait, c'est tout. Ouais. C'est vraiment trippant. C'est juste... Amusez-vous. C'est juste ça. C'est donc bien deux films qui ont fait consensus ce soir. C'est rare, hein, pareil. Ouais, c'est ça. À part que j'ai pas trippé au point de la revoir, celui-là, mais c'est ça. Un peu comme Seb. T'sais, vous êtes un peu les opposés. Seb avec 36-15, puis toi avec Better Watch Out. C'est ça. Mais tu sais, quand on dira pas à quelqu'un, ah, écoute pas ça, écoute autre chose. Non, c'est ça. Ben non. C'est ça. Puis, ben est-ce qu'on dit un garde horreur pour tout le monde qui ont continué la section spoilers? Oui, bien sûr. Yeah! Salut, là, les vrais. Puis, ben, venez nous écrire en privé si vous pensez qu'on a raison. Et pas ben, les commentaires d'épisode sur Facebook. C'est ceux qui ont vu le film, en fait, là. Ouais. Parce que les autres, c'est pas de leur faute. C'est leur faute. Allez, écoutez! C'est de leur faute. Sérieux, sinon, s'ils sont encore là jusqu'à la fin des spoilers, puis ils l'ont pas vu, là. Ah ben, sorry pour vous. Mais comme je l'ai dit, je pense que même s'ils savent le twist, ils vont l'écouter, ils vont avoir du fun. Mais c'est quand même un élément de surprise vraiment le fun à découvrir dans le film. C'est ça. Parce qu'étant donné qu'ils ne reposent pas là-dessus, c'est correct. Puis, tu sais, dans la salle du Fantasia, j'ai senti la salle au complet avoir un mindfuck. La scène d'escalier. Fait que j'étais comme, OK, je suis pas tout seul. Là, je le sens que tout le monde est comme, what the fuck. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je voudrais être le réalisateur, je voudrais me placer un peu en avant, là, puis genre regarder la salle. Là, lui, il devait triper, sérieux. Puis je pense qu'il a dit qu'il a eu vraiment une expérience mémorable au Fantasia. C'est souvent le cas avec les réalisateurs, les trips au Fantasia. Bon, ben merci pour ceux qui ont été section spoilers, puis gardez ça horreur. Ciao.